facile de faire le bien, pourquoi le mal? N'auras-tu donc aucun chemin, aucun idéal? N'auras-tu jamais un peu de morale? Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Les jeux du bal, les jeux du vice, ça m'est égal s'ils ne m'emmènent pas au ciel. Un jour peut-être tu comprendras le goût de l'amour. Tu seras si bien dans les bras d'une fille pour toujours. Un jour heureux, si Dieu le veut. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Les jeux du bal, les jeux du vice, ça m'est égal s'ils ne m'emmènent pas au.